geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz Ebi. Merhaba. Merhaba Nurhan, ben de. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam olsun. Could you call Julie? I forgot to charge my phone and there's no battery and she's lost. She's lost? Gelmiyor mu adam? Alfa da gelmiyor. Donc là, l'apparition, si tu veux, de dans les médias, bu kadar ça... çabuk çökeceğini kimse beklemiyordu. Turkish. I think it would be better. Mais bon, voilà. Et puis après, tu sais, c'est pas qu'une histoire de maîtrise des deux langues. Hein. Alors, elle les maîtrise plutôt bien, les deux langues. C'est vraiment... voilà, on va cacher plein. C'est plus compliqué que maîtriser les deux langues. Quoi, mais c'est de l'interprétation. Ouais. C'est vivre l'instant, c'est des moments intenses. Le passage, enfin, les liens et... Ouais. Et elle me disait qu'en Turquie, il y en avait. Enfin, quand c'était en moi, il n'y en avait pas beaucoup, mais selon elle aussi. Translation, but not just translation, word to word. Translation, but not just translation, word to word. Something a bit more compressed. Okay.